de maintenant. Pour plus d'informations, visitez theblazevelutocollection.bandcamp.com. CKRL 89.1, Québec. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis avec Myriam Leland. Je m'appelle Gentilhomme La France. Bonjour, Myriam. Bonjour, Gentilhomme. Alors, ce soir à l'émission, j'ai rencontré Jacques Sanson pour parler de sa toute nouvelle exposition présentée à la galerie Michel Guimond. J'ai eu l'occasion d'en discuter. Il y a également Myriam Dufour qui nous partage ses impressions sur l'exposition des œuvres de BGL et d'Amélie Proulx qui vient tout juste d'ouvrir à la Galerie 3. Donc, et toi, Myriam Leland, tu as rencontré deux artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est ça. Ce sont Simon Aymond et Michel Lemelin, des artistes, donc photographes et littéraires, oui, plus dans les arts de la littérature. Donc, en fait, c'est qu'on parlait de leur projet « Rebâtir le ciel », qui est un livre d'art fait conjointement. Là, c'est pas un livre qui est illustré par de la photo, c'est pas un livre photo avec des textes descriptifs. Là. C'est vraiment une œuvre en soi. Beaucoup de plaisir à faire l'entrevue avec eux. Ce soir, c'est toi qui as fait la sélection musicale, Gentilhomme. C'est toi qui s'est gâtée. Oui, pour l'ambiance musicale, je vous propose de découvrir l'album Acts of Rebellion de Ella Minus, qui est une musicienne électro qui travaille à Brooklyn et qui est originaire de la Colombie. C'est une électropop diversifiée et chaleureuse grâce à son travail qui est entièrement analogique. On découvre donc une belle musique électronique, parfois planante, parfois dansante. Et on va commencer avec un extrait de El Cielo No es de nadie. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale. Gentilhomme La France avec vous et j'ai avec moi, on est dans les ateliers de métal de l'Université Laval, Jacques Sanson. Bonjour. Bonjour. Jacques Sanson, tu viens d'inaugurer une exposition à la Galerie Michel Guimond et ce nouveau corpus-là, tu explores le motif du double nœud. C'est vraiment ce qui devient récurrent. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ou c'est quelque chose qui s'est installé progressivement dans tes recherches, ce double nœud-là? C'est quelque chose qui s'est installé là, progressivement, c'est suite à... je m'intéresse à, tu sais, à la topologie ou à certains principes de physique ou des trucs mathématiques là, comme la bouteille de Klein ou la bande de Möbius et tout ça. C'est toutes des choses que j'aime observer, regarder et tout ça. Et puis, je suis tombé sur un site où il parlait justement des nœuds et tout ça. Puis, j'aimais l'idée du nœud. T'sais, j'aimais l'idée de... C'est comme le début et la fin de quelque chose. C'est que ça s'auto-suffit, le nœud. Et puis, j'aimais l'espèce de trajet qu'on fait avec l'œil, avec le nœud. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, mais qui s'est installé tranquillement. Après ça, ben, j'ai élaboré un peu sur la densité, la forme, tout ça. Donc, je commence vraiment juste avec un fil de métal que je vais placer dans l'espace. Puis ensuite, je donne de la matière, je donne du volume et de la densité et tout ça. Donc, ça se construit autour d'une espèce de, si on peut comparer au dessin, par exemple, oui. un premier trait de dessin, puis ensuite, ça se construit autour de ça. Et c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Je fais pas vraiment de dessin préparatoire. Je vais faire des dessins exploratoires, donc juste pour comme ça, pour sortir les idées. Mais sinon, c'est vraiment la forme, la ligne. Je commence avec une tige de métal que je forme dans l'espace avec mes mains. Puis là, ben, une fois que ça me plaît, ben là, je vais continuer à la nourrir, si on veut, puis à y donner du volume, puis à y donner de la densité. Est-ce que ça y va par essai-erreur ou ça y va vraiment de manière très, très fluide, très organique? Ça se fait quand même assez de manière fluide une fois que j'ai initié mon premier mouvement, mm-hmm. ma première branche. Puis après ça, ben, c'est au niveau de la densité et la grosseur des anneaux. Je travaille à partir d'anneaux que je vais fixer dessus. Donc là, j'y vais par essai-erreur, parce que je prends toujours du temps pour m'éloigner un peu, tourner, vu que c'est vraiment dans l'espace. Ben, je suis toujours en train de la retourner, pour essayer d'avoir un ensemble qui est harmonieux. Et parlons de la lumière dans ta pratique, Jacques Sanson, parce que oui, l'objet, oui, la sculpture, c'est un élément qui est primordial, mais la façon dont la sculpture est éclairée vient lui donner toute une autre présence, une autre vie, une autre forme. Là, il y a quelques petites sculptures avec un éclairage intégré. Et puis, est-ce que la lumière fait partie de ton processus de création? Oui, surtout pour ces pièces-là, ces nouvelles pièces-là. Ça fait déjà peut-être une dizaine d'années que je travaille avec le fil de métal. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec ça et voir la transparence, et c'est arrivé par accident où j'avais une espèce de lampe de poche. Et puis là, j'ai vu, là, puis avec la lampe de travail, j'ai vu l'ombre qui était portée. Puis je me suis dit, cette pièce-là... Elle fait vraiment, elle fait unité avec son ombre, bien sûr. Je trouvais, puis j'ai accentué ça en prenant des LED qui sont enlevés le diffuseur et tout ça pour avoir une ombre très très très très fine et très franche sur le mur. Puis j'ai découvert un peu ça par hasard. Puis après ça, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que je viens vraiment jouer sur le volume, mais je viens jouer sur la transparence, je viens jouer sur son empreinte sur le mur ou sur le sol. Puis je trouvais ça être intéressant qu'elle ait son espèce de double, mais en deux dimensions. Puis ça vient changer complètement l'aspect de la forme aussi. Et il y a quelques œuvres aussi dans ce corpus-là qui sont des œuvres presque bidimensionnelles. On parlait de ce processus de réalisation des œuvres, de sculpture, de configuration de ces pièces de métal ensemble pour en créer des œuvres. Alors qu'ici, il y a quelque chose d'un peu plus destructeur de la création de ces œuvres-là. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean? Oui, bien ça, c'est... Ma condition de sculpteur fait en sorte que j'accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Et souvent, c'est des pièces qui ont été créées pour un événement en particulier que vont peut-être moins bien se présenter dans un autre événement ou moins bien... Je vais plutôt les laisser dans mon atelier et tout ça. Et l'accumulation fait en sorte que des fois, j'en ai ras-le-bol. Donc, je suis arrivé une journée, puis je me suis mis à écraser des pièces que j'avais faites pour m'en débarrasser. Puis en écrasant une, je me suis dit, ah, que c'est intéressant d'avoir... Premièrement, de prendre la sculpture en volume, de mes sculptures, de les écraser, de les détruire, mais de trouver autre chose qui en ressort, qui est plus de l'idée du dessin, de l'idée du vestige un peu. Puis je trouvais ça un petit clin d'œil un peu humoristique de prendre mes sculptures, de les smasher, puis de les présenter autrement. Ben, c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve le côté ludique dans ta pratique aussi, de jouer comme ça avec les œuvres d'art, de jouer avec le public. Il y a vraiment il y a un rapport très, très complice avec, avec les publics qu'on retrouve dans ta pratique. Ben, j'essaie autant que possible d'un peu transférer le plaisir que j'ai à faire. J'essaie de le transférer au spectateur. La même énergie ou la même ambiance ou la même curiosité. Si on revient à ces œuvres écrasées, il y a aussi l'élément de surprise parce que, si je comprends bien, il y a quand même un certain contrôle dans la réalisation des œuvres. Et puis là, en les écrasant, on peut pas prévoir non. L'aspect final. Non, effectivement, il y en a qui n'ont pas survécu l'écrasement, donc ils ont fini dans la benne à ordures. Mais il y en a d'autres qui ils m'ont vraiment surpris en les écrasant, qui sont devenus vraiment autre chose. Puis sur ces pièces-là que j'ai présentées, j'ai intégré aussi un autre aspect qui est le thermoformage. Donc, je suis venu comme thermoformer un plexiglas qui est à la mode de ces temps-ci, le plexiglas. Je suis venu thermoformer le plexiglas par-dessus la sculpture. Donc, je viens comme l'englober. C'est venu vraiment comme la mettre un peu sous vide. Donc, je vais me faire un peu des vestiges de mes sculptures. Oui, un peu comme, oui, comme une recherche archéologique ou quelque chose de... Oui, ça fait un peu... on en parlait là, quand on s'est rencontrés à l'exposition hier, le cabinet de curiosité, d'une certaine manière. Et dans l'exposition, à Michel Guimond, il y a deux pièces plus imposantes qui sont au sol. Avec des pattes, donc elles sont autoportantes, mais elles ont les pattes leur donnent aussi une espèce de vie un peu plus animale. Animale, oui. Une espèce de vie qui est donnée, qui est différente. Ben, on s'entend que ton travail est très organique, mais ici il y a un côté un peu plus monstrueux qui est donné aux œuvres. On pourrait les comparer. Oui. Puis, le but aussi, je voulais... tout ça se fait dans le travail. Hein. C'est dans le travail qu'on explore, qu'on découvre et qu'il arrive des heureux accidents. Et puis, je voulais aussi... On est toujours un peu... Moi, je suis toujours en train d'aimer qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais une fois qu'il est fait, je suis un peu en confrontation avec, puis je veux aller ailleurs. Donc, quand j'étais en train de réaliser ces espèces de double nœuds-là, il était, à une certaine période du processus, il était suspendu dans l'atelier. Donc, puis en me reculant, j'ai regardé, puis il était suspendu sans pattes à cette étape-là. Puis j'ai regardé, j'ai fait comme, wow, OK, il y a vraiment une espèce de confrontation qu'il y a entre les deux ou d'attirance ou il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Donc, je me suis dit, OK, comment je peux arriver, puis... mettre un peu plus l'emphase là-dessus. C'est là que j'ai décidé de leur donner un aspect animal. Mm-hmm. Puis là, ben, dans l'expo, ça fonctionne bien parce que ils sont vraiment face à face. Puis on se demande, bon, est-ce que c'est de la séduction? Est-ce que c'est de la confrontation? Puis ça vient encore un peu élargir le sens, là. Bon, on reconnaît encore le nœud, mais là, c'est moins cartésien. C'est moins... Oui, on sort de l'abstraction. On sort de l'abstraction, puis là, on vient donner un petit peu de... d'image un peu... fantastique ou... Ben, merci beaucoup, Jacques Sanson, pour ce très bel entretien. Donc, tu me disais que tu vas être présent toutes les fins de semaine. Tous les week-ends jusqu'au 13 décembre. Oui. Le samedi et dimanche, là, de 1h à 16h. La galerie ouvre jusqu'à 17h, mais je vais être là de 1h à 16h, probablement pour permettre aux gens de pouvoir venir en dehors du vernissage qui, malheureusement, dans ces conditions de... Ben, il faut profiter aussi des avantages... Parce qu'un vernissage, c'est un peu un brouhaha. Il y a beaucoup trop de monde. Souvent, on n'a peut-être pas l'occasion de parler avec l'artiste de manière plus approfondie. Et puis là, ben, tu vas être disponible pour tous les gens qui veulent venir te parler de l'exposition. Oui. C'est vraiment très généreux de ta part. Puis, donc, on va à la Galerie Michel Guimond pour aller voir cette belle exposition composée d'un ensemble de nœuds. Oui. tout aussi intrigants et étonnants les uns que les autres. Et nous, on va prendre une petite pause musicale. Bonjour, alors c'est avec un grand plaisir que je viens vous parler des expositions de BGL et d'Amélie Proulx à la Galerie 3 à Québec, qui seront présentées jusqu'au 20 décembre 2020. Ce sont des expositions que je trouve extrêmement magnifiques et qui méritent d'être vues. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien dans cette période de pandémie d'aller visiter ce genre d'installation artistique-là. Ça m'a énormément touchée et je vous encourage à vivre la même expérience que j'ai vécue en allant voir ces expositions-là. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc, je vais commencer par vous parler de l'exposition de BGL intitulée « Panorama d'un cycle pop 2 ». En fait, c'est une installation où on a le bonheur de retrouver le collectif artistique québécois, où on reconnaît la spécificité de leur art qui vise à attirer l'attention du public sur des enjeux sociaux, des enjeux politiques, en utilisant l'humour et l'ironie. Donc, BGL revisite les symboles de notre culture populaire en les représentant dans des assemblages bricolés, cette fois-ci avec des répliques de bâtons de popsicle qui sont en bronze. Donc, on se promène dans la salle et on voit des danseurs, des musiciens, on voit même des râteaux pour racler les feuilles dehors, on voit des cellulaires, on voit plusieurs autres symboles de notre culture populaire qui sont bricolés avec des minces fragments qui ressemblent énormément à des bâtons de popsicle, mais qui sont en réalité des fragments de bronze. Donc, BGL nous présente un travail ancré dans, justement, le travail manuel, dans la matière. Ils savent faire un surinvestissement des objets dérisoires, des choses banales pour nous faire réfléchir sur notre culture, en fait, sur nos habitudes, notre culture populaire. Donc, ces nombreux petits éléments qui ressemblent au bois, en fait, font énormément penser aux œuvres en bois qui caractérisaient les débuts du collectif, dont l'œuvre « Perdue dans la nature » présentée au Musée des beaux-arts de Québec. Donc, on voyait dans cette exposition-là du gazon coupé, qui faisait allusion au gazon coupé à l'égal devant nos maisons. Et ces gazons-là étaient mis en scène par des milliers de petits bâtons de bois sur lesquels il y avait une Mercedes en bois. Donc, c'est encore une fois un travail d'ironie, de détournement pour travailler la nature dysfonctionnelle de ces objets. Donc, il y a nécessairement un côté absurde dans leur art, mais une volonté malgré tout de travailler avec le détail, de faire un grand travail manuel pour présenter des objets forts de notre société. Donc, il y a une certaine revalorisation de l'artisanat, de l'importance du matériel. Donc, comme c'est très bien le faire BGL, le collectif réussit encore une fois à nous faire une sorte de critique ludique et ironique qui va viser notre société de consommation qui est fondée sur la mise en scène de nous-mêmes. Donc, les artistes conservent leur tradition d'utiliser le ludique pour transmettre un message critique, pour nous offrir même une nouvelle manière de voir le monde. Donc, ils font une sorte de mise en scène de nous-mêmes, de notre culture. Je pense notamment dans l'exposition à la Galerie 3, il y a une sculpture faite avec les bâtons, les faux bâtons de popsicle, en fait. Il y a une sculpture qui représente des mains tenant un téléphone cellulaire et qui imite le geste de prendre une photo de l'exposition. Donc, c'est peut-être dans la volonté, dans l'intention de faire une mise en abîme du spectateur lui-même qui risque fort probablement d'être tenté de sortir son cellulaire pour prendre des photos des œuvres de l'exposition. Donc, les BGL donnent à voir leur propre rapport à cette culture-là, veulent nous faire prendre conscience de notre relation avec cette culture. Donc, dans l'exposition, BGL fait un travail de remémoration, une mise en scène des mythes, des désirs, des symboles de notre société de consommation, dans notre culture populaire, en employant une approche à la fois enchantée et critique, tendre et cynique. Donc, ils permettent le jeu, ils permettent de nous faire vivre une expérience. Ils désacralisent le profane, la société de consommation, pour rendre ces objets disponibles, pour les réfléchir autrement. Donc, en voyant cette exposition-là, il faut être capable de nous réapproprier les objets autrement, en utilisant le jeu, en utilisant le ludique, changer la posture que l'on a face à ceux-ci. Donc, encore une fois, BGL nous offre une exposition extraordinaire qui nous permet de s'interroger, de vivre une expérience ludique, une expérience amusante, tout en voyant un travail manuel absolument impressionnant. Donc, c'est une exposition qui fait beaucoup de bien à voir. Comme je viens de dire, qui nous plonge dans une ambiance ludique, mais également poétique, et qui nous fait vivre une expérience absolument unique que je trouve propre à l'art de BGL. Donc, pour aller voir des danseurs, des musiciens, plusieurs formes en bâton de popsicle, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition-là. C'est extrêmement beau, extrêmement amusant à voir. Donc, c'est une exposition colorée, vivante, qui est accessible pour tous, même pour les enfants. Je crois que ça peut être très agréable de visiter. Donc, c'est une exposition qui a lieu à la Galerie 3 jusqu'au 20 décembre 2020. Donc maintenant, je vais vous parler de l'exposition d'Amélie Proux, intitulée « Les herbes de passage », qui est présentée en même temps que l'œuvre de BGL à la Galerie 3. Donc, Amélie Proux offre aux spectateurs un corpus de sculptures de porcelaine, des sculptures qui traduisent les manifestations invisibles du monde naturel. Donc, elle sculpte des animaux, des hiboux, des oiseaux, des chauves-souris, des rongeurs, qui s'entremêlent à des plantes et à des objets familiers. Donc, ces petits éléments sculptés vont être réunis et vont former de grandes et impressionnantes murales qui poussent et qui mènent à la contemplation par le travail fin du détail, également par la dimension assez impressionnante des murales. Donc, l'artiste va montrer la force, l'autonomie, la puissance des êtres naturels qui nous entourent et qu'on connaît peu, en fait, même si c'est un univers qui est absolument fascinant. Donc, il y a deux éléments qui sont très importants, en fait, et très intéressants à connaître par rapport à la construction, en fait, à l'élaboration de ce corpus-là. D'abord, ce corpus se trouve en continuité. C'est une suite logique de son travail qu'elle a réalisé au cours des dernières années. Donc, elle s'est beaucoup intéressée aux oiseaux en milieu urbain, les oiseaux qui nous entourent et qui se font des nids avec des matériaux disponibles autour d'eux. Donc oui, les nids vont contenir des feuillages, de l'herbage, mais il va également y avoir des déchets de la ville qu'ils vont utiliser à leur avantage. Par exemple, on va souvent retrouver des mégots de cigarettes dans les nids d'oiseaux parce que ces mégots de cigarettes-là éloignent certains insectes. Donc les oiseaux vont tirer profit de ce qui se trouve autour d'eux. Ce phénomène-là l'intéresse beaucoup. C'est un phénomène qui se nomme le biomimétisme et ce phénomène est, selon elle, l'élément fondateur de son corpus. Qu'est-ce que le biomimétisme exactement? C'est quand un humain observe le comportement des animaux ou du monde végétal pour générer de nouvelles innovations. Par exemple, le velcro aurait été créé après avoir observé les chardons qui collent à nos vêtements. Donc, ce qui est intéressant aussi dans la création de son corpus, en fait, c'est le fait qu'Amélie Proux habite présentement à la campagne dans une maison ancestrale qui a déjà appartenu à une herboriste. Donc, le terrain a énormément de végétation et ça l'a mené à observer certains phénomènes, des phénomènes dont la zoochorie. Qu'est-ce que c'est la zoochorie? En fait, c'est lorsque les animaux vont transporter à leur insu des graines sur leur pelage et qui vont les amener dans un autre territoire. Donc ça va assurer la descendance et le patrimoine génétique de certaines espèces. Et Amélie Proux, en fait, va se questionner sur le potentiel de la zoochorie. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver sur un terrain vague où plusieurs animaux vont circuler? Qu'est-ce qui pousserait à cet endroit-là? Donc, la zoochorie peut modifier le paysage et c'est quelque chose qui l'inspire énormément. Donc, l'exposition « Herbes de passage » veut, à travers le corpus, venir évoquer ces deux phénomènes naturels de manière poétique et en utilisant la porcelaine. Elle va faire des murales qui évoquent des bas-reliefs à la manière d'une tapisserie. Elle va numériser des ornements architecturaux qu'elle va imprimer en 3D pour ensuite en faire des moules en plâtre qu'elle va utiliser pour faire une série d'ornements en porcelaine. Et à travers ces nombreux ornements-là, ces nombreux motifs, il va y avoir des oiseaux. Donc, quand on regarde bien la murale, quand on porte attention aux détails, on voit que ces oiseaux croquent, tirent et pillent dans quelques éléments dans la murale, peut-être justement pour se faire des nids. Le thème du nid va être extrêmement important aussi dans cette exposition-là. Amélie Proulx va utiliser des éléments de son paysage d'atelier, un peu pour répéter, pour évoquer le nid des oiseaux, pour créer des motifs de porcelaine dans son exposition. Elle va également évoquer le phénomène de la zoocorie en faisant une autre grande murale où on va voir des petits animaux traîner des grosses graines dans leur pelage. Donc, des animaux qui vont transporter ces graines-là et qui vont évoquer la zoocorie. L'artiste a également une fascination pour les chauves-souris. En fait, que la chauve-souris est un pollinisateur extrêmement est important. En fait, il est essentiel à la pollinisation des forêts tropicales. Donc, le motif de la chauve-souris va être très présent dans son travail. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'Amélie Proulx va avoir utilisé la période de COVID, en fait, comme un moment de recul important dans sa pratique. Un moment où elle va se questionner justement sur la chauve-souris, qui est un sujet d'actualité étant donné la pandémie, en fait. Elle va se questionner sur la place des animaux dans notre univers. Donc, comment on peut redonner un peu plus d'espace à ces animaux-là qui ont perdu beaucoup d'espace et qui doivent s'adapter à cause de nous, en fait. Donc, bref, l'exposition d'Amélie Proulx est extrêmement intéressante. Elle met en lumière des phénomènes qu'on connaît peu et elle réussit à les transposer dans un univers artistique extrêmement magnifique et inspirant. Donc, je vous invite beaucoup à aller voir cette exposition-là. Ça fait extrêmement du bien. On voit la grande sensibilité qu'Amélie Proulx porte envers le monde naturel. Elle nous transmet par l'art, ce que je trouve absolument magnifique et absolument remarquable. Donc, bref, je vous encourage vraiment à aller voir les expositions Panorama d'un cycle pop 2 de BGL et Les herbes de passage d'Amélie Proulx à la Galerie 3 à Québec, qui sont présentées jusqu'au 20 décembre 2020. Vous écoutez CKRL 89.1. Lundi 30 novembre à 19h, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle par visioconférence. Pour obtenir le lien et le procès-verbal de 2019, faites la demande à l'adresse courriel suivante. Direction acommercialckrl.qc.ca. Votre téléprésence permet d'enrichir la vie démocratique de notre organisation. Lundi 30 novembre à 19h, c'est l'Assemblée générale annuelle de CKRL par visioconférence. C'est notre devoir à tous et toutes d'y participer. Le Palais Montcalm présente les concerts improbables en webdiffusion. Ne manquez pas Paul Piché de retour sur le chemin des incendies dès le 27 novembre à 20h. Billets en vente au palaismontcalm.ca. Hey, surveillez les coupons rabais de la boîte à pain sur le site Antidote Mobile. 40% de rabais applicable à la boîte à pain de votre choix. Profitez de cette offre avant qu'il soit trop tard. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Bonsoir, bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland toujours au micro et avec moi, j'ai Simon Aymon et Michel Lemelin. Bonsoir. Allô, bonsoir. Donc, ce soir, on avait envie de parler avec vous de votre œuvre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle « Rebâtir le ciel ». C'est un livre d'art, on peut appeler ça comme ça, parce que ça mêle, j'ose pas appeler ça un livre photo, là, parce que c'est pas que de la photographie, il y a de la littérature aussi dedans. Donc, Simon Aymon est photographe, autodidacte. Simon habite Métabéchouane sur les berges du lac Saint-Jean, territoire non cédé, et il vit et il travaille également. Simon, ça fait un bon moment que t'es photographe. Ça fait à peu près combien de temps que t'as ta pratique en photographie? Ah mon Dieu, ben j'ai commencé la photo il y a 8 ans, mais il y a 8 ans, je faisais pas de l'art à l'époque. Je dirais que j'ai une pratique là en photographie contemporaine depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Et Michel, ça fait aussi quand même très longtemps que t'es dans le milieu de l'art, de la littérature, avec une petite pause entre les deux, mais c'est quelque chose dans lequel tu baignes depuis assez longtemps. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours à toi? Ben moi, je suis diplômé, j'ai fait un certificat en arts visuels, j'ai fait un certificat en études cinématographiques et je suis un diplômé du bac interdisciplinaire en arts en cinéma. Mais quand j'ai terminé mon bac, j'étais déjà plus dans la dramaturgie, donc dans l'écriture. Et j'ai pendant, là, jusqu'au début des années 2000, là, j'ai eu une pratique plus liée au théâtre, puis aussi... j'étais très soutenant là, pour la communauté d'artistes de la région parce que je faisais régulièrement des papiers là, dans les revues d'art contemporain québécoise pour les expositions ou les événements qui avaient lieu dans la région. Mm-hmm. Puis là, tu as eu une grande pause, puis Simon est venu te chercher en disant « Ah ouais, on fait quelque chose! » Ça ressemble pas mal à ça, oui. À ça. Effectivement, une pause de 17 ans où je me suis fait, j'ai fait de la gestion, j'en fais toujours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais avec l'invitation de Simon, pas sur Rebâtir le ciel initialement, mais sur toutes sortes d'autres choses qui ont précédé Rebâtir le ciel. Je te dirais aussi la fréquentation de la jeune littérature québécoise là, des 4-5 dernières années, Antoine Charbonneau-Demers, Kevin Lambert, ça m'a comme Vicky Gendreau, ça m'a comme redonné le goût d'écrire, là, de découvrir ces jeunes paroles-là. Mm-hmm. Puis, Rebâtir le ciel, parlons-en. Donc, c'est un livre d'art, comme tu disais, avec de la photographie, les textes de Michel Lemelin. Comment c'est parti, ce projet-là? Parce que c'est pas, vous n'êtes pas dit tout de suite, on fait un livre, c'est pas, vous n'êtes pas juste mis à l'écriture, à la photographie. Il y a eu un processus quand même d'appel public et tout ça. Pouvez-vous me parler un peu de comment ça s'est déroulé? En fait, c'était parti là, d'une simple idée de ma part que je savais qu'on avait besoin de parler encore d'identité de genre et d'identité sexuelle dans l'espace public. Comme je sais si bien le faire, d'un coup de tête, j'ai demandé aux gens sur Facebook une espèce d'appel à témoignage des gens de la communauté LGBTQ+, en région, ou ceux qui l'ont quitté pour aller vivre ailleurs. Puis l'offre, ben, les personnes qui m'ont écrit ont été super nombreuses, donc plus de 100 personnes. Puis c'est là que j'ai rapidement vu qu'il y avait, de un désir d'en parler, des gens, de deux, qui avaient que ça venait rapidement plus grand que moi, ce projet-là, puis que je devais aller, que j'avais besoin d'aide, finalement. Puis Michel, parce qu'avant d'être collaboratrice dans ce projet-là, on est des grands amis. Puis c'est lui qui m'a permis, qui m'a fait voir que j'étais un artiste, que dans mes photos commerciales à l'époque, il y avait un regard d'artiste, et c'est grâce à lui que j'ai pu comme découvrir ça. Fait que c'est tout naturel qu'il vienne avec moi dans le projet pour utiliser les témoignages des personnes, pour qu'ils se les approprient, pour faire des textes littéraires avec, puis que moi je puisse rencontrer notre communauté finalement dans la nuit pour faire les photographies. C'est ça, c'est des photographies noir et blanc. Il y a un grain qui est très qui rappelle beaucoup de la photographie analogique. Oui. Un certain flou aussi, beaucoup d'étoiles, beaucoup de ciel étoilé aussi. Puis ça a été quoi le processus justement? Donc, tu as fait l'appel, il y a eu une centaine de réponses, puis ensuite, comment ça s'est déroulé? Vous avez fait des entrevues? En fait, c'était vraiment, on se rencontrait soit chez eux, soit chez moi. En fait, tout dépendant. En fait, je voulais un espace sécuritaire pour les personnes. Donc, si les personnes n'étaient pas révélées, je les invitais à venir chez moi pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de stress relié à la rencontre. Mm-hmm. Puis, souvent, on allait faire les photos après. Pour justement laisser comme le mettre ça en deux parties pour pas que ça soit trop prenant pour moi et pour les personnes. Établir une relation de confiance aussi, j'imagine, parce que prendre des photos à froid avec quelqu'un que tu connais pas pour parler de ton identité de genre, ça peut être quand même intense. Oui, puis en plus, surtout qu'il y a beaucoup de personnes que c'est la première fois qui en parlaient, tu sais, ou qu'on se permettait finalement de parler de nos violences qu'on vivait, et moi compris là-dedans, là. Puis je pense que c'est la même chose pour Michel, là. Tu sais, même nous, on s'est permis d'entendre ce qu'on a vécu toute notre vie, qu'on n'a jamais réussi à mettre des mots là-dessus ou un sentiment, puis qu'on n'était pas tout seul à les vivre, puis qu'on était, la communauté, elle était super présente sur le territoire de Saint-Jean. Puis c'était comme la première fois qu'on allait se parler. Ouais. Puis donc, Simon, c'est ça, t'enregistrais les entrevues, oui. Tu prenais les photos, puis pendant ce temps-là ou après, Michel, tu réécoutais ces entrevues-là, puis par la suite, comment... quel a été ton processus? Ouais, le processus de création, justement, souvent entre le moment de l'entrevue et le moment de la prise de vue de Simon, il y avait une décantation de mon côté, mais Simon et moi, on a travaillé main dans la main tout le long du projet. C'est pas... c'est souvent les livres de photos avec des textes ou les livres de textes avec des photos, c'est le photographe arrive avec son corpus, il est déjà terminé, puis il demande à quelqu'un « Veux-tu écrire sur mon travail? » Puis là, la personne écrit des textes. Mm-hmm. Ou à l'inverse, on voit souvent ça, justement, en poésie, souvent les gens... Oui. Vont produire de la poésie, vont créer de la poésie et vont demander à un photographe, veux-tu l'illustrer? Mm-hmm. Nous, ça a vraiment été du début à la fin, tout le temps, comme un échange. Donc, souvent, ce qui se passait, c'est que après avoir entendu un témoignage pendant, l'avoir fréquenté sur quelques semaines, parce que ça m'arrivait de les écouter 3, 4, 5 fois, à travers cette écoute-là, moi, il y avait, j'avais une réaction, une émotion que je partageais à Simon. Simon, lui, comme intervieweur, c'était beaucoup interdit, il était très neutre dans l'écoute des gens, alors que moi, c'était beaucoup plus chaud, c'était beaucoup plus sanguin. Mm-hmm. Et aussi, une chose qu'on s'est mis à faire, c'est que je me suis mis à écouter les témoignages en diminuant la vitesse, mais en changeant pas le pitch de la voix, là, c'était comme la même voix, parce que mm-hmm. maintenant, on a des beaux petits outils pour ça. Fait que je me suis comme mis à l'écoute du souffle, des hésitations, d'entendre le fait qu'à chaque fois que quelqu'un commençait à raconter quelque chose qui allait se terminer par quelque chose de violent ou de souffrant, la phrase n'était pas terminée. Fait qu'on discutait beaucoup de ça ensemble, et je pense que ça alimentait aussi la seconde rencontre que Simon avait avec les gens pour, faire les photos. Ça ressemble beaucoup à... Je trouve que ça se rapproche beaucoup justement au travail de dramaturgie auquel tu as pu être habituée, de voir le rendu, de raconter une histoire, comment le souffle... Et puis sans même que la personne s'en rende compte, parce que ben, les personnes ne sont pas des comédiens, comédiennes. Mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même de théâtral dans l'approche que tu as. Ouais. Oui, quand on lit les textes, on reconnaît le souffle. Du théâtre, oui. Mm-hmm. Ben, puis, parlant des textes, justement, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, autant dans les photos que les textes, ce sont, on va appeler ça des nouvelles pour trouver un mot à poser dessus, ce sont de courts textes, c'est pas un roman, qui présente différents personnages, mais sont tous écrits par Michel, justement, puis il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'âge, pas d'identité non plus. Puis je mentionnais avant d'enregistrer que je trouvais ça intéressant parce que c'est comme quand on apprend à connaître quelqu'un sans avoir d'étiquette au préalable. Justement, on lit puis on essaie d'apprendre à connaître la personne, c'est qui. Même déjà dès la première page, je lisais, puis là je lis la deuxième page, c'est plus la même personne, les accords sont pas pareils. Et on s'en rend compte un peu au fil de la lecture. Qu'est-ce qui a guidé cette décision-là, si je peux dire ça comme ça, une décision artistique de comment je pourrais dire ça? Pas d'effacer les personnages, mais de pas les présenter d'emblée avec des étiquettes. Ben, si je peux commencer, ben d'abord, l'œuvre elle-même est elle a sa propre identité. Donc, quand on se retrouve devant ce livre, entre guillemets, qui n'a pas les codes normaux du livre, il faut déjà se mettre à l'écoute de cette œuvre-là pour arriver à la lire, pour arriver à rentrer en relation avec elle, comme on a voulu faire finalement. C'est comme juste un espèce de fil qui s'est dessiné avec nos designers de Critérium, Maxime et Chani de Québec, justement. Nous, on les a choisis parce que justement, on voulait que l'œuvre ait une signature graphique, une signature matérielle qui allait en cohérence avec son contenu. Mais c'est aussi, il y avait un enjeu lié justement à ce que Simon disait plus tôt, il y a des gens qui n'étaient pas révélés. Donc, il ne fallait pas non plus que les gens puissent reconnaître les personnes qui ont témoigné. Et c'est assez drôle parce que il y a des textes que je trouvais plus peut-être je me demandais comment ils allaient être reçus par la personne qui avait témoigné. C'était confié, ben oui. C'est ça, tu sais, puis dans certains cas, c'est assez drôle parce que les gens m'ont dit, mais j'avais même pas réalisé que c'était moi. Mais maintenant que tu me le dis, effectivement, c'est moi. Fait que je trouvais que j'avais quand même bien réussi à préserver ça, même si les témoignages sont souvent très, très précis. Mm-hmm. Mais puis il y avait cette volonté aussi, parce que ce qu'il y a en arrière de rebâtir le ciel, là, disons, l'hypothèse artistique qu'on déployait à travers ce projet-là, c'était qu'en même temps que j'écoutais ces témoignages-là, puis que Simon était dans ses premières expérimentations de photos, qui d'ailleurs au tout début du projet n'allait pas du tout dans cette direction-là, c'était fait en plein jour, c'était des portraits en studio. Ah ouais. Donc il y a Simon aussi là, il est parti complètement dans une autre direction. C'est que à l'époque j'étais d'où l'ancien travail de dramaturgie, j'étais encore plongé pour la xème fois dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht, qui est un texte que je trouve extraordinaire, qui parle de la connaissance et du conservatisme aussi. Mm-hmm. Puis là, je me suis mis à dire à Simon, j'ai le sentiment que, de la même façon que Galilée, Copernic et compagnie, quand ils sont arrivés à faire la démonstration que la Terre n'était pas le centre de l'univers, cette révolution-là, c'est comme si on était un peu en train de la vivre actuellement par rapport au genre et au désir. C'est que, on a le sentiment que les deux pôles très binaires, homme-femme, masculin-féminin, et les deux pôles de l'identité, hétéro-homo, sont en train d'éclater. Et que de plus en plus, donc on est comme dans une révolution du genre et du désir, de la même façon que la Terre n'était plus le centre de l'univers, ces deux pôles-là sont de moins en moins des référents qui nous semblent valables, valides dans nos sociétés contemporaines. Et on voit aussi, un peu comme ce qui se passe dans la vie de Galilée, on voit aussi tout ce que ça provoque dans notre société, les levées de boucliers, le refus de reconnaître l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, etc., le patriarcat. Donc, il y avait ça dans le projet et on voulait donc que ça parle pas seulement aux gens de la communauté, mais aussi aux hommes et aux femmes qui se considèrent comme étant cisgenres et hétérosexuels, parce que performer son genre, qu'il soit validé par l'hétérosexisme ou pas, ou l'hétéronormativité ou pas, c'est un contrat que très peu de gens arrivent à performer sans problème ou sans douleur. Donc, dans Rebâtir le ciel, il y a ça qui... Il y a ce fil. C'est un des fils qu'il y a dans le projet. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça m'amène au premier texte, en fait. Je me suis dit, je vais lire à froid le recueil. Je savais que c'était sur la réalité des personnes LGBTQIA2+, en région. Puis là, dans le premier texte, il y a une petite phrase qui, du personnage, en fait, qui parle, des personnes non binaires et tout ça, là, qui empêche un peu la reconnaissance justement des personnes homosexuelles. Puis là, j'ai lu ça, puis je suis une personne cisgenre, ça m'a un petit peu trigger aussi. Je me suis dit, oh, je voulais justement le faire connaître à une personne de mon entourage qui est non binaire. Puis je me suis dit, peut-être que je vais attendre un petit peu, peut-être que ça va trigger cette personne-là. Puis après ça, je suis venue à lire justement votre description là, à propos. On a discuté un peu. Puis justement, je trouve ça intéressant de ne pas cacher ces réalités-là, parce que c'est pas vrai qu'au sein de la communauté LGBTQIA2+, que tout le monde est d'accord avec tout, puis que tout le monde il y a de la discrimination au sein même de la communauté aussi. Puis c'est quelque chose qui est imagé dans les textes aussi. Je trouvais ça bien que ce soit pas censuré, justement. Mais soyez avertis, si vous êtes quelqu'un qui avez un petit peu de difficulté avec votre identité ou qui ont des triggers comme ça, peut-être soyez avertis avant de lire le livre. Dans la communauté, on n'est pas isolé de l'homophobie intériorisée, de la transphobie intériorisée, de la misogynie intériorisée. On est enveloppé de ça au même titre que pas mal tout le monde dans la société. Puis le rapport au ciel aussi, puis vient comme rappeler cette mise en fait, le fait d'être dans le noir, tout ça rappelle aussi cette mise en placard qu'on fait des gens de la communauté. Puis quelle est la communauté. Moi et Michel, on fait partie de la communauté, on n'est pas la communauté, on ne peut pas prendre la parole pour tout le monde. On est divergents dans nos points de vue. C'est important de les montrer parce qu'on est juste avec le bassin de la communauté, nos points de vue sont tout aussi diversifiés que notre identité. Là. Oui, et puis Rebâtir le ciel fait voir lui aussi seulement une partie de la réalité. Oui. C'est pas, on prétend pas parler au nom de la communauté, mais oui, tu as raison. Il y a des textes qui vont être plus challengeants pour des gens plus politisés ou justement. Mais on voulait aussi qu'il y ait ces textes-là parce que on se disait, par exemple, dans ce texte-là, on se disait, il y a plein de lecteurs, lectrices qui, parce que ça c'est dit, vont continuer à lire, parce qu'ils vont se dire, ah ben oui, j'avais raison. Ouais, c'est vrai que c'est moins culpabilisant. Ben, en fait, c'est que c'est encore très commun qu'on entend, il y a trop de lettres, on comprend pas, vous inventez des... C'est ça. C'est que... On s'est dit, ben le lecteur, la lectrice qui va lire ça va dire, ah ben tu vois, c'est pas tout de suite en partant extrêmement militant parce que ça vient créer de l'adhésion chez moi. Mm-hmm. Mais Rebâtir le ciel, autant au niveau des photos que des textes, puis Simon pourra nous en parler là, de la déconstruction, c'est que plus on avance dans Rebâtir le ciel, Et plus les textes deviennent de plus en plus, eux aussi, d'une certaine façon, ils vont aller vers des choses de plus en plus abstraites et aussi de plus en plus, j'aime pas le mot, c'est pas vraiment militante, mais vont justement faire entendre ce qu'on prétend, c'est-à-dire que le genre et le désir devraient... on devrait être dans une révolution de ça. Donc, au début, on est dans des choses très, très réalistes, puis au niveau des photos aussi. Puis plus on avance dans l'œuvre, puis plus il y a cette révolution-là qui s'installe aussi formellement. Tu sais, les photos, au début, sont... La nuit sert beaucoup de confinement. Donc, quand on est dans un placard, il fait noir. Puis on va souvent juste entrevoir une petite la lumière de la porte là, pour qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qui est l'espèce de lumière du jour aveuglante. Puis... plus on avance, plus il y a une explosion de cette lumière-là, une explosion du placard. Malgré tout ce confinement de notre identité, on a besoin de faire jaillir qu'est-ce qu'on est malgré tout. Mais qu'après, la lumière devient plus exploratrice. Les étoiles, ce n'est plus des étoiles qui sont nettes, c'est qu'il y a un mouvement qui est créé avec ces étoiles-là qui devient des images de ciel plus abstraites. Donc, cette déconstruction-là, elle est autant dans l'identité que dans le travail photographique, que le travail littéraire. Mm-hmm. Ben, puis c'est littéralement rebâtir le ciel au cours du livre. Ouais. Sans vouloir être trop littéral, justement. Puis peut-être en terminant rapidement, est-ce que, parce que là, vous me parlez comme recueilleur de données, comme artiste, mais vous, personnellement, est-ce que ça vous a challengé d'entendre des choses comme ça? Parce que Simon, tu t'identifies comme étant trans à genre. Michel, tu t'identifies comme gender fluid. Est-ce que ça vous a... ça a été difficile de dealer avec des témoignages comme ça? En fait, il y a eu plusieurs coming out, là, je dirais, dans tout ça. De un, comme étant un coming out d'artiste. Et de deux, comme étant... Tu peux plus effacer qu'est-ce que t'es en écoutant les témoignages, tout ça. C'est comme ça nous a permis d'avoir une écoute sur nous qu'on n'avait jamais, que j'avais jamais vraiment eu. Fait que de partir d'une personne cisgenre homosexuelle vers une personne trans à genre, pour moi, ça a été un des plus beaux cadeaux là, que Robert Lesel m'a apporté. Là. J'espère que ça va faire écho aussi chez les lecteuristes dans leur propre identité. Là. Mm-hmm. Michel, toi, est-ce que tu as eu des défis? Ben, c'était la même chose. D'abord, j'ai eu à vivre avec les témoignages. Simon était avec les personnes. Moi, j'étais avec l'enregistrement. Puis souvent, c'est ça, il y a des enregistrements que j'ai écoutés à plusieurs reprises. Il y avait des enregistrements que je trouvais très difficiles à entendre. Il y en a d'autres qui me faisaient du bien. Oh, quand je devenais anxieux, je réécoutais certains témoignages. C'était comme, ça c'est tellement... ça m'apaise d'entendre cette histoire-là. Oui, ça m'a fait entendre toutes sortes de violences que j'avais enfouies, que je croyais réglées et que j'avais enfouies. D'ailleurs, la première fois que Simon m'a parlé de rebâtir le ciel, j'ai dit, c'est encore un sujet, ça? Fait que je peux comprendre que des gens qui nous écoutent en ce moment font comme, bon, encore ça? Parce que moi-même, j'ai eu ce réflexe-là. Mais c'est ça, il y avait beaucoup de choses enfouies. Souvent, je trouve que c'est souvent le féminin qui cause problème dans la définition du genre. Soit il est trop présent chez des gens où on ne l'attend pas, ou soit il est absent chez des gens où on l'attend. Rarement, c'est le masculin qui cause problème. Ouais, ben on est dans une société patriarcale aussi, fait que le masculin est positif. chez une personne qui s'identifie comme un homme, rebâtir le ciel, en tout cas, moi, m'a permis de me rendre compte que j'avais pas à me définir par un pôle comme ça, puis que effectivement je me sens très fluide là, dans ce que je suis. Je suis désolée parce que j'aurais envie de continuer pendant des heures et des heures, c'est tellement intéressant, mais malheureusement on doit terminer l'entrevue. Donc rapidement, pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, il y a un site web qui est rebâtirleciel.com et le livre est disponible, en tout cas à Québec pour nos auditeurs, aux deux librairies Pantoute, donc de Saint-Roch et Saint-Jean. On va pouvoir mettre ces informations-là sur notre site web aussi. Merci beaucoup, Simon, Aymon et Michel Lemelin, d'avoir été avec nous. Je voudrais ajouter une petite chose, parce que Simon, on dirait qu'il ne le fera pas. Simon donne une formation la semaine prochaine au Centre Vue sur l'auto-édition en photographie. Donc, intéressant. Donc, à Québec, pour nos auditeurs aussi, si vous êtes membre de Vue. Donc, merci encore une fois beaucoup et au plaisir de peut-être voir un autre projet de vous deux ou d'un de vous deux. On attend ça avec impatience déjà. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale, Myriam Leland et Jean-Tienne Lafrance à l'animation. Nous venons d'entendre un extrait de la pièce Dominique, toujours de l'album Acts of Rebellion de Ella Ninus. Donc, c'est notre découverte musicale de la semaine et c'est maintenant le moment de l'agenda de la semaine. Oui, déjà. Donc, dès cette semaine, vous pouvez aller miser sur les œuvres dans le cadre de la 28e vente aux enchères de la Maison Louise Carrier à Lévis. L'événement se déroule entièrement en ligne et se poursuit jusqu'au 6 décembre. Et toute la fin de semaine, c'est au complexe sportif de Wendake que va se tenir la 6e édition du Rendez-vous des artistes et artisans de Wendake. Et la foire en art actuel de Québec se poursuit. Donc, vendredi soir dès 18h, il va y avoir deux performances qui vont être présentées de manière virtuelle, bien sûr. Donc, à 18h, c'est l'artiste John Bertium qui propose un VJ set composé d'archives familiales en VHS trouvées, numérisées et manipulées en un mashup vidéo. Et ensuite, il y a l'artiste Gabriel Desrosiers. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Oh, qu'est-ce qui ferait plaisir à Émilie cette année? Cette année, j'ai été très sage, j'ai lavé mes mains souvent, mes dents aussi, mais un peu moins souvent. Comme cadeau, je voudrais une corde à danser, du jambon, des barres tendres, mais sans arachide parce qu'on n'a pas le droit à l'école. La purée pour mon petit frère, du pain, même si c'est du brun, c'est pas grave. Avoir faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez directement chez Jean Coutu, Provigo, Maxi et Via Capital ou à guignolet.ca. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. À découvrir sur la fabrique culturelle. On peut faire ci, on peut faire ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. Une session musicale de Carou Dupont qui chante One Two et Just Chilling. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous avez besoin de réponses ou de conseils financiers? Vous n'arrivez plus à soutenir la pression de vos dettes? Communiquez avec Jean Lelièvre, syndic en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Nous avons une solide expertise tant au niveau commercial que personnel. Nous vous accompagnerons de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle sur le chemin de la réorganisation financière. Retrouvez la paix d'esprit et le chemin de la liberté. JeanLelièvreSyndic.com. Pour mieux vous servir, nous avons deux bureaux dans la région, à Québec et Lévis. 418-653-5553. Le Bal du Lézard vous invite à écouter tous les jeudis l'émission du retour Première Loge, animée par Jessica Leb. Pour tout savoir de l'actualité culturelle de Québec et sa région. Musique, danse, théâtre et art de vivre, la création d'ici qu'on met à l'honneur. Cette émission vous est présentée par le Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com.